Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1. Et bien sûr, bonne année, bonne et heureuse année à tous, bonne santé et tout ce qui s'ensuit, du bonheur et des belles courses de F1. On en veut une belle saison 2018 de F1, un bon Grand Prix de France de F1 cette année. Et puis voilà, je vous souhaite tout ça et tout ce que vous pourriez souhaiter d'autre également pour vous ou pour vos proches. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter tout d'abord de l'actualité, comme d'habitude, parce que même si les courses sont terminées, eh bien, il y a eu quand même pas mal d'actualités importantes. Alors bien sûr, comme d'habitude, je ne serai pas exhaustif, vous m'en excuserez déjà que quand je ne le suis pas, eh bien, ça dure un peu trop de temps, la partie actualité, hein, pour preuve, la dernière émission, où c'était vraiment très très long. Parce que j'ai voulu traiter de chaque Grand Prix, même sans en faire un vrai résumé, ça a duré très longtemps, à mon sens. Donc bon, là, il y a quand même pas mal d'actualités, et je ne pouvais pas passer à côté de ce que j'ai noté, tout simplement. Ensuite, le sujet principal, ce sera les clés du succès de Lewis Hamilton. Donc, mes excuses d'avance à tous ceux qui détestent ce pilote, et je sais que vous existez. Enfin, comme pour tous les pilotes, hein. On a des pilotes qu'on n'aime pas, hein. Ça c'est forcé. Et des pilotes qu'on aime un peu mieux, etc. Moi, en tout cas, quand je fais analyse F1, je suis dans la démarche où je considère tous les pilotes sur un pied d'égalité, et après, je me base sur les faits pour en faire une critique, et pour en faire une analyse. Mais voilà. Donc voilà, ce sera sur Lewis Hamilton, pour voir un peu qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné son titre. Alors, ça pourrait être très trivial, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça, et que quand on rentre un peu plus profondément dans les déclarations, dans l'extra-sportif, etc., dans les déclarations des autres pilotes également, on voit que finalement, le succès de Lewis Hamilton, c'est pas si facile que l'on pourrait le voir, tout simplement. Et enfin, dans la dernière partie d'émission, peut-être que vous l'attendiez. Vous attendiez peut-être son retour, je parle bien sûr de la rubrique High Speed Dating. Et oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un. Et du coup, là, aujourd'hui, ça sera consacré à Kevin Magnussen, le pilote danois de chez Haas F1 Team. Voilà, et bien on commence directement avec l'actualité. L'actualité du jour, je vais bien sûr commencer par le Grand Prix de France. Par le Grand Prix de France, puisque la date approche, hein, ça sera en juin. Ah bah, j'ai même pas noté la date, vous voyez, je crois que c'est le 24 juin, un truc comme ça. Je crois que c'est dans ce week-end-là, là, le week-end du 24 juin. Donc, l'actualité, c'est pas sur la date, on la connaissait déjà, mais c'est sur les tickets, parce que si vous voulez assister au Grand Prix de France, il faut pouvoir prendre les tickets. Donc, sachez qu'actuellement, il y a des passes multijournées qui sont disponibles à la fois sur le site officiel de la Formule 1, formula1.com, et sur le site officiel du Grand Prix de France de Formule 1. Vous tapez GP France F1 sur Google ou sur tout autre moteur de recherche que vous pourriez utiliser, et vous trouverez ça facilement. Et donc voilà, je vous conseille, pour les passes, on va dire, les moins chères en tout cas, parce que moi j'ai pris un pass 3 jours, hein, je serai présent au Grand Prix de France. Pour me repérer, c'est simple, j'aurai un t-shirt, c'était un cadeau de Noël, hein. J'aurai un t-shirt où c'est marqué Analyse F1, et en gros au milieu c'est marqué Vivons notre passion. Donc il y en aura qu'un qui aura ce t-shirt, c'est moi, donc n'hésitez pas à venir m'aborder, n'hésitez pas à venir me parler, moi je suis très ouvert à tout ça, à la discussion, discuter de notre passion commune, etc. Si vous avez n'importe quoi à me dire, hein, concernant l'émission, concernant n'importe quoi, ben on pourra en discuter. Donc n'hésitez pas. Bref, tout ça pour dire que sur ces passes-là, j'ai pris le pass 3 jours là, vendredi, samedi, dimanche, le pass tout simple, hein, admission générale. Et du coup, celui-là, il est moins cher sur le site du Grand Prix de France de F1 que sur le site de formula1.com. Pour des questions de frais apparemment, de frais, de taxes, je sais pas, pour des questions de frais, Donc voilà, essayez de voir pour les deux et ce qui vous arrange le mieux. Peut-être que pour d'autres passes, ça sera l'inverse, je n'en sais rien. En tout cas, si vous êtes assez aisé, on va dire, financièrement, vous pouvez également aller sur le site F1 Experiences, F1 Experience, où là, vous aurez des passes VIP, vraiment des packages VIP intéressants, où vous pourrez avoir droit à diverses activités. Avec un pack tout compris, hôtel, navette, les 3 jours, le paddock, tout ça. Enfin bref, le tour de circuit je crois le camion de la parade, etc. Enfin, il y a plein de trucs, vous verrez ça. Et bientôt donc, il y aura les tickets un jour, les tickets valables pour une seule journée. Et apparemment, les prix les moins chers, ça sera 50 €, je crois, 25 ou 50 €. 25 €, je crois que c'est pour les petits, si vous emmenez des enfants avec vous. Mais je crois que ce sera autour de 50 €, quoi. Vous pourrez quand même trouver des tickets pour assister à une journée. Après, ça sera peut-être pour assister au samedi ou au vendredi. Regardez en tout cas ce qui vous arrange le mieux. Il y aura des tickets pas chers, ça c'est sûr, mais ce sera pour une seule journée. Après, il y a des grands prix. Il y a eu un comparatif, j'avais vu, avec des grands prix qui font moins cher. Je crois que le Grand Prix de Belgique fait moins cher que le Grand Prix de France. Mais bon, ça reste dans les tarifs appliqués, dans la fourchette, on va dire, qu'on peut trouver, en Europe, occidentale. Donc voilà, vous avez les infos. Je crois que ça sera autour la mi-janvier, un hein, 16 janvier, un truc comme ça, 16 ou 18 janvier ou 19, que seront mises en vente ces tickets un jour. Donc n'hésitez pas, hein, tout ça c'est marqué sur le site officiel du Grand Prix de France, hein. Vous trouverez toutes les informations là-bas. Donc là c'était sur le Grand Prix de France. Ensuite, faut parler des médias. Faut parler encore des médias, désolé, j'en ai beaucoup parlé lors de la dernière émission, mais c'est bien de faire un lien entre les émissions, vous le savez que j'adore ça. Bah là il y en a un gros quand même. On arrive à la fin de saison, donc il n'y a plus de course. Donc il n'y a plus de course. Donc les médias, notamment les médias web, hein, vu que c'est les médias que je suis le plus, voilà, les médias web français, francophones, mais ça vaut aussi outre Hexagone, je suppose, mais en tout cas pour ceux qui concernent la France, j'ai l'impression que chaque année on nous resserre la même soupe. Chaque année. C'est-à-dire que ils sont pas inspirés du tout. Je sais pas s'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Mais je parle pas forcément des journalistes et des rédacteurs, hein, parce que bon, eux aussi ils ont des impératifs, hein, il y a la rédaction en chef qui leur impose certaines choses. Donc ça se trouve ils ont pas la liberté, on va dire, nécessaire, enfin la liberté qu'ils voudraient avoir pour être vraiment créatifs dans leur approche du journalisme sportif. Mais bref, j'englobe les médias en général, on va pas critiquer. Les journalistes spécifiquement, ou les rédacteurs spécifiquement, ou les rédactions en chef spécifiquement, c'est un tout. Je pense que chacun a sa responsabilité à trouver, et chacun doit se regarder dans le miroir, tout simplement. Donc voilà, donc là on arrive dans une période où c'est très marrant, enfin c'est très chiant, parce que les médias nous font un tweet égale un article. Le moindre tweet du moindre pilote, du moindre team manager, etc., qui serait un peu croustillant, où il y aurait un sous-entendu, ou pas du tout même, hop, un article. Et ils arrivent à enrober le tweet de quelques phrases pour que ça ait l'air d'un travail, quoi. Quelque chose, alors que non, ça n'est pas une information, c'est un tweet. Voilà, relayer un tweet, faut arrêter un petit peu. Ce n'est pas forcément relayer une information, surtout que vu le choix des tweets. C'est assez énervant. Ensuite, il y a les traditionnels tops. On va faire le top 10 des pilotes de l'année. On va faire le top 5 des écuries, etc., etc. Bref, les classements de merde, vu qu'il y a déjà des classements. Les classements championnat pilote, classement championnat constructeur. Alors certes, on peut mettre en avant tel ou tel pilote, mais ça, normalement, on l'a fait tout au long de la saison. Si on a bien fait son travail, tout au long de la saison, on a suivi un pilote, et puis voilà. Alors bon, c'est l'occasion des bilans, certes, mais voilà. Là, en fait, ce que je reproche à ce principe de faire des tops, c'est que c'est, comment dire, de manière vulgaire, c'est une attitude putaclic. Et ça, je déteste ça. Je l'ai critiqué lors de la dernière émission. Je la critique très régulièrement. je privilégie le fond et la forme, comme vous le savez, et je privilégie surtout la qualité, hein, tout le reste. Voilà. Ben là, non. Là, on est dans l'intersaison, dans la tri-hivernale, donc là, c'est la quantité. Il y a beaucoup de quantité et très peu de qualité, parce qu'ils essayent de compenser le fait qu'il n'y ait pas de course. Mais du coup, on retrouve les mêmes trucs, c'est du copier-coller d'année en année, et c'est ça qui est énervant. Pour ça que c'est pas du travail, quoi. Donc voilà, les top. Ensuite, les prédictions inutiles pour 2018, on se... McLaren pourrait jouer les podiums, les victoires, machin, etc. On sait rien. Il y a même pas eu les essais hivernaux. Il y a rien eu. Ensuite, il y a les fameuses rétrospectives. Alors, on fait une rétrospective de telle saison, de telle saison, de telle saison, voilà. Ça, c'est le classique. Bref, tout un tas d'articles, en fait, qui trouvent leur place à chaque fois, chaque année. Les dépassements, oui, j'avais oublié, le nombre de dépassements. Alors ça, c'est chaque année également. On va nous mettre le nombre de dépassements. Alors là, cette année, on nous a dit, ah, le nombre de dépassements a baissé. Mais l'analyse qui en coule derrière, généralement, c'est assez faible, quoi. C'est assez trivial, c'est bien dommage. Et à chaque fois, on se base sous le prisme du nombre de dépassements. Comme si c'était la valeur clé d'un grand prix. Tiens, il y a eu tant de dépassements l'année dernière, il y en a eu plus, machin. Donc le grand prix était meilleur. Non. Non, pas forcément. Pas forcément. On peut pas résumer ce sport et la qualité des courses, etc., des pures statistiques. Non. On ne peut pas. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça bien dommage. Il y a moyen de faire d'autres choses quand même chaque année. C'est pour ça que moi, je fais analyse F1. Tant que ces médias-là se renouvelleront pas et feront chaque année les mêmes choses et chaque année commettront les mêmes erreurs. Pour moi, c'est des erreurs, c'est des grosses fautes, ça, de reproduire les mêmes types d'articles d'année en année, alors qu'il y a moyen justement. Très hivernal signifie que il y a certaines personnes du paddock qui ont plus de temps. Pour des entretiens longs, par exemple, des longs entretiens. Il y a peut-être plus de temps pour les journalistes également de se déplacer dans les usines ou je sais pas quoi, ou autre, se déplacer à divers endroits pour interviewer diverses personnes. Bref, il y a 10 000 idées qu'il y aura à mettre en place et que j'ai en tête, là. Je vais pas tout vous les dire, sinon le podcast, il va durer 3 heures, mais voyons. Voyons. Se réduire à la facilité. Et ça, je parle des médias, les médias web les plus connus, hein. Je parle pas des plus inconnus, je parle vraiment des plus connus, hein. Et pourtant, c'est ceux sur lesquels je me base, hein, parce qu'il y a des articles à côté de ça, ils font pas que ça, hein. Qu'on se comprenne bien, il y a des articles d'information utile à côté de ça, sur lesquels je me base d'ailleurs pour préparer mes émissions, évidemment. Mais, à côté de ça, pour faire du remplissage, eh bien, c'est typiquement ça, c'est pour faire du remplissage et du clic pour, je sais pas, pour arrondir les fins de mois de la rédaction, je ne comprends pas, alors qu'il y aurait moyen de faire des trucs bien mieux, bien plus originaux, se démarquer de la concurrence bien plus, et là, je pense que ça pourrait ramener encore plus de gens, parce que là, on parlerait encore plus d'eux, évidemment. Il y a différents angles à prendre en compte. Bon, et là, j'ai cité des exemples, mais il y en a d'autres, hein. Ça me revient pas en tête, mais il y en a d'autres, hein. Si ça me revient en tête plus tard... Je les évoquerai. Bon, sinon une autre info, ça concerne Sauber. Hein. Vous le savez, il restait peu de baquets à pourvoir. Et Sauber a fait son choix. Sauber a grosse actualité autour de Sauber, d'ailleurs. Et du coup, en 2018, cette année, ce sera Marcus Ericsson et Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc qui a été champion GP2 et vraiment de très très loin. Encore plus dominateur que ne l'avait été Stoffel Vandoorne 2 ans avant. Mais voilà, c'est de la graine de champion, Charles Leclerc. Mais maintenant, il entre dans un tout autre univers, celui de la F1, où là, bien sûr, tout est maximisé et tout. Et il va falloir qu'il fasse ses preuves. Bon, il est chez Sauber, mais il arrive peut-être un bon moment pour Sauber, puisque Sauber, eh bien, va devenir Alfa Romeo Sauber F1 Team. Mais j'y reviens. Mais juste avant ça, il faut que je parle de Pascal Wehrlein. Pourquoi? Parce que Pascal Wehrlein, eh bien, il a été mis sur le carreau, malheureusement. Il a été mis sur le carreau face à Marcus Ericsson. Alors que sportivement, Wehrlein, c'est celui qui a marqué tous les points de son écurie cette saison, qui a marqué tous les points de l'écurie Manor la saison d'avant. Bref, c'est quand même un pilote qui a prouvé, en fait, et qui, même si Ericsson a pu rivaliser avec Wehrlein sur quand même pas mal de courses cette saison, Wehrlein a su être présent quand il faut, c'est-à-dire pour marquer les points. Et ça, il l'a fait deux saisons de suite, dans deux écuries très très faibles, dans les écuries quasiment les plus faibles de la saison à chaque fois. Donc ça, on peut pas lui enlever, c'est dommage parce qu'il retrouvera sans doute pas un baquet. Il reste le baquet Williams, à voir, mais il semble pas prendre la direction du baquet Williams. Hein. Il pourrait prendre la direction du DTM, par exemple, on verra en tout cas. Il n'y a rien de confirmé à ce niveau-là, à l'heure où en tout cas où je fais ce podcast. En tout cas, voilà, ce sera Alfa Romeo Sauber F1 Team, vous avez bien entendu. Donc voilà, la firme italienne mythique, hein, qui a été très glorieuse dans les années 50 en F1, eh bien, va faire un partenariat commercial et technique de premier ordre. Et en plus, Sauber pourra bénéficier du moteur Ferrari 2018. Alors, avant de nous enflammer et de dire « Ouais, c'est trop bien, Alfa Romeo Sauber F1 Team, forcément, ça ramène des sous, ça ramène de la compétence et tout. Et en plus, moteur Ferrari 2018. » Moi, je mets le haut là, je me dis, ok, maintenant qu'on a dit ça, regardons les faits. Alfa Romeo fait partie du groupe Fiat. Ferrari fait partie du groupe Fiat, comme vous le savez. Donc, moi, la question que j'ai envie de poser également, mis à part que Sauber devrait être inévitablement en meilleur état que cette année, en 2018. Et je pense en deuxième partie de 2018 en particulier, et encore plus en 2019. Mis à part ça, est-ce que ce serait pas une mainmise de Ferrari sur Sauber, quoi, à laquelle on assisterait? Là, il y a du Fiat partout, hein. Là, c'est un badge Alfa Romeo, mais c'est masqué Ferrari. Évidemment, hein, c'est le même homme qui est derrière ça, c'est Sergio Marchionne, qui est à la tête du groupe Fiat, à la tête de Ferrari. Le grand patron. Moteur Ferrari 2018, ça c'est une bonne nouvelle, c'est vrai. Mais voilà. Cette prétendue mainmise, est-ce que ça va pas entraîner, ça va pas avoir des conséquences néfastes sur le pouvoir décisionnel des gens de chez Sauber? Tout simplement. Par exemple, sur le personnel. On le voit avec Charles Leclerc, même si Charles Leclerc mérite très clairement son accession en F1, Charles Leclerc fait partie de la filière jeune de Ferrari. Eh oui. De Ferrari et le Ferrari Junior Team. Il faut le savoir. Donc là, on a quand même du Ferrari un peu partout, hein. Dans le naming, hein, dans le nom de la team, Alfa Romeo Sauber F1 Team. En plus, c'est marqué Alfa Romeo en premier. C'est pas Sauber F1 Team Alfa Romeo, c'est Alfa Romeo Sauber F1 Team. Le moteur Ferrari 2018, Charles Leclerc. Le pouvoir décisionnel également au niveau de la fourniture matérielle. Que ce soit tout, les suspensions, etc. Tout ce qui concerne la monoplace. Est-ce que Sauber aura son mot à dire? Quelles vont être les personnes qui vont être mises en place dans cette équipe? Est-ce qu'on va indiquer la porte à tous ceux qui étaient bien intégrés chez Sauber et qui, sont là depuis longtemps dans l'écurie suisse? Maintenant qu'on pourrait dire italo-suisse, hein, quelque part. Ou est-ce que, quand même, Ferrari, enfin, est-ce que Fiat, va autoriser Sauber à garder ses compétences et leur apporter au contraire de l'aide, du soutien? Voilà. Parce qu'après, sinon, si jamais c'est vraiment une mainmise de Ferrari sur Sauber et que finalement Sauber, finalement ça serait qu'un nom, hein, ça serait Ferrari 2, quoi. Ça pose un problème au niveau de la compétition F1, qu'une écurie telle que Ferrari se serve d'une écurie plus faible pour en faire son deuxième team. Ça poserait des questions quand même sur l'avenir du sport, sur l'avenir des petites équipes, l'avenir des petites écuries. On sait que la F1 est faite de grandes écuries et de petites écuries, et que finalement ça a toujours plutôt bien marché comme ça, mais il faut que les petites écuries soient quand même un minimum indépendantes. Là, si elles ne le sont pas, on aura une Formule 1 qui va se transformer en Formule 1 avec seulement quelques teams qui accaparent tout le plateau. Et finalement, ce sera difficile, voire impossible pour des petits teams indépendants de survivre. Donc je me pose ces questions-là. Je n'ai pas de réponse à vous apporter à ces questions. Je les pose juste. Si vous, vous avez plus d'informations à ce sujet, c'est possible. C'est possible que je ne me sois pas suffisamment renseigné sur tous ces sujets. Mais si jamais vous êtes tombé sur un article, vous avez entendu quelqu'un de Ferrari parler, de Sauber parler, etc., et que vous avez des informations, n'hésitez pas sur le Twitter Analyse F1, sur analysef1.lepodcast.fr, qui est l'adresse du site, du mini-site internet, et sur la page Facebook de l'émission Analyse F1. N'hésitez pas à réagir, à me dire soit ce que vous en pensez, soit si vous avez des informations supplémentaires que je pourrais, que vous pourriez apporter et que je pourrais après partager, évidemment. N'hésitez pas. Donc, bon, évidemment, sur un aspect un peu plus trivial, un peu plus superficiel. C'est bien au niveau financier, parce que Sauber était vraiment dans le mal, était vraiment dans la survie permanente depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans. Au niveau historique, ben bon, il y a Alpha, quoi, c'est ce que j'ai dit, hein. Alpha et la F1, c'est quand même une histoire d'amour, hein. Depuis le début de l'histoire du sport. Au niveau technique, il y a une augmentation d'effectifs de prévu. Si, ça, c'est cette information que je peux vous donner. Bon, après, est-ce que ça va être recruté? Est-ce que c'est Ferrari qui va apporter ses effectifs? Ou est-ce que ça va être un recrutement libre pour Sauber? Ben, ça, c'est une question que je pose. Et donc, sûrement, il y aura une amélioration sportive de la part de l'écurie qui s'appelle désormais Alfa Romeo Sauber, effectivement. Donc, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, hein. Je n'ai pas la science infuse et je ne veux pas donner l'impression d'avoir la science infuse non plus. Et sur ce sujet, je ne l'ai pas. Je pose des questions. Je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées, qui n'ont pas forcément été posées également. Oui, là, il y a du temps entre l'intersaison. Je reviens sur l'histoire des médias. Mais que font les médias? Que font les médias? Allez interroger des personnes de chez Sauber, des personnes de chez Ferrari, du groupe Fiat, aller chercher un peu plus loin, parce que là on est resté dans, quand on lit les articles, on reste très dans le superficiel, dans l'information brute, mais ça va pas plus loin, et ça c'est très frustrant, c'est pour ça que je fais Analyse F1, c'est pour aller un peu plus loin, et là j'ai envie d'aller un peu plus loin, si j'avais les moyens à ma disposition, ben j'irais chercher à interviewer les bonnes personnes, et essayer d'aller creuser la question un peu plus, quoi, aller un peu embêter, un peu enquiquiner certaines personnes avec ces questions-là. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Bon, s'il y a des journalistes, des rédacteurs qui m'écoutent, hein, n'hésitez pas à le faire, hein. Moi, je serais vraiment très heureux de lire vos articles, hein. Moi, quand je lis des articles comme ça, moi, ça me fait plaisir, hein. Franchement, je suis le premier à le partager après, hein. Donc, n'hésitez pas, hein. Faites-vous la course, hein, pour faire ça. Et après, il y aura du monde qui va le partager, je vous le dis. Parce qu'à mon avis, c'est intéressant. S'attacher à ces questions. Et oui, et en plus, bon. Le fait que je me questionne, c'est pas de la parano, c'est aussi qu'il y a une forte rumeur, même si j'aime pas les rumeurs, vous le savez. Mais il y a une rumeur comme quoi Fiat serait aussi intéressé par Haas, évidemment, pour faire une sorte de team Maserati Haas. Ça serait la rumeur, hein. Bon, j'espère que ça ne se fera pas, parce que là, évidemment, toutes les questions que j'ai posées, il y aurait une présomption de réponse, là, hein. Si jamais il y a un Maserati Haas un jour, plus Alfa Romeo Sauber, là, quand même, mes doutes se confirmeraient. Et ce serait bien triste, hein. Voilà. Donc là, c'était pour Sauber, hein. Oui, j'ai jamais parlé autant de Sauber, hein. On n'a jamais parlé autant de Sauber dans un podcast, hein. Je pense, record du monde atteint. Et c'est même pas pendant la saison, hein. C'est pas pour parler du sportif, hein, en plus, hein, quasiment. Donc bon. Si, pour parler du sportif, juste pour dire que voilà, bon, ben, Ericsson, il a de la chance de rester autant de temps en F1. Il fait le beau à prendre une interview et tout en disant que ouais, regardez mes performances face à Wehrlein, ouais, bah, t'as pas marqué les points quand il fallait, t'as pas été opportuniste, et bon, ben, Frédéric Vasseur et tout qui font leur discours de bon communicant sur Ericsson ont bien oublié en 2016 l'attitude du pilote suédois avec Felipe Nasser, où c'était des enfantillages pas possibles et où c'était pas du tout productif pour l'écurie suisse. Et en plus de résultats très faibles, hein, apportés par le pilote suédois qui n'a jamais su saisir une opportunité de marquer des points. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il ne les a pas saisis. Donc à partir de là, On l'a jamais vu vraiment briller, hein, donc bon, il a l'expérience, voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, le seul truc qu'on peut dire, c'est que par défaut, il a de l'expérience. Ouais, ça, c'est vrai, ça, on peut pas lui enlever l'expérience de la F1 de plusieurs années maintenant. Mais c'est tout. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet épineux. C'est bien parce que dans l'actualité, là, ça, c'est que des sujets quasiment épineux. Il y en a beaucoup. Ben là, on va parler des nominations à la FIA, des nominations à la FIA que j'appelle douteuses. Donc tout d'abord, en nomination à la FIA, François Fillon. Voilà, ouf, là vous sursautez, vous entendez François Fillon, vous me dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? François Fillon, FIA, non. Dis-nous, Julien, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais vous le dire, attendez un petit peu, soyez patient. Donc voilà, François Fillon a été nommé à la tête de la commission constructeur de la FIA. Donc il y a deux problèmes à cela. Le premier, c'est qu'il est toujours mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs familiaux. Vous savez, cette affaire qui a fait que pendant la campagne présidentielle, on a parlé surtout de cette affaire et pas beaucoup du fond. Et le deuxième problème, c'est que bon, si vous connaissez le rôle de la commission constructeur de la FIA, déjà vous le connaissez le deuxième problème, hein. Vous le connaissez à partir de la phrase que j'ai prononcée sur sa nomination. Mais bon, pour que tout le monde sache, je vais le dire, c'est que cette commission constructeur de la FIA a pour rôle notamment la renégociation des accords Concorde en 2021. Les accords Concorde, pour rappel, j'en avais parlé lors d'un précédent podcast, mais pour rappel, ce sont ces accords qui fixent les principales lignes de règlement, techniques, etc., pour les saisons à venir. Elles fixent les lignes qui sont quasiment, indélébiles. On ne peut pas vraiment, les enlever, sauf s'il y a vraiment une unanimité. Et encore, c'est vraiment des accords, voilà, très très stricts. Ça empêche d'ailleurs beaucoup de latitude dans le sport. Des fois, le sport, on se dirait, ben, quasi tout le monde se met d'accord pour dire, ouais, ben là, on pourrait adapter ça parce qu'on voit que ça marche pas. Et au final, on dit, bon, ben, il y a eu les accords Concorde qui ont décidé ça, donc on peut pas, sauf s'il y a unanimité. Forcément, il y a forcément un conflit d'intérêt avec une équipe qui n'est pas dérangée par ça parce qu'elle est en tête du championnat ou autre, ou parce qu'elle était pour ça, pour cette mesure au début. Donc finalement, on modifie pas. Bref. Donc c'est un gros rôle, surtout que les accords Concorde de 2021, on annonce avec Liberty Media qui veut vraiment changer les choses en F1, compte vraiment sur ces accords Concorde. Et on nomme à la tête de la commission constructeur qui sera en charge de cette renégociation, on nomme François Fillon. Et donc le deuxième problème, c'est qu'il est certes passionné de sport automobile, on le sait. Il a été intervenu dans Top Gear France notamment. On sait qu'il est passionné de sport auto et tout et tout. Mais il n'a pas de compétences particulières pour cette mission. Dites-moi si je me trompe, mais non, il n'a pas de compétences particulières pour cette mission-là. Et ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que je ne sais pas s'il a la mentalité dans le sport automobile de vouloir aller en F1, avec son regard qu'il a sur la F1. Je sais pas s'il a une mentalité plutôt conservatrice ou autre. Voilà, ça serait intéressant de lui demander vraiment ce qu'il en pense. Peut-être que vraiment il a une vision pour cette renégociation, qu'il a vraiment bien étudié le truc, mais rien ne porte à le croire. Rien du tout. Et on l'a nommé. Donc voilà, j'ai cette nomination, j'ai peur que ce soit du copinage plus qu'autre chose, hein, malheureusement. Il y avait peut-être d'autres personnes qui auraient été plus promptes à occuper ce poste. Voilà, donc et ce qui me fait peur, c'est que c'est un enjeu majeur pour l'avenir du sport, hein, vraiment. Donc bon, wait and see, on va voir. Une autre nomination, c'est Carmen Jorda qui a été nommée. Ah oui, là aussi pour ceux qui connaissent Carmen Jorda, deuxième haut le cœur. Je vous prie de m'excuser, mais voilà, je dois en parler. Carmen Jorda a été nommée. Attention, oui, elle a été nommée au sein de la commission des femmes en sport automobile. Alors c'est une décision qui a été décriée par à peu près tout le milieu féminin du sport automobile. Je vais citer quelques noms. Pipa Mann, donc qui a participé à l'Indy 500, Tatiana Calderon, Suzy Wolff, qui a fait déjà des essais F1 avec Williams, qui est une jeune retraitée du sport automobile maintenant. Voilà, il y en a d'autres. Et donc, pourquoi cette décision a été décriée? Pourquoi Carmen Jorda n'apparaît pas légitime aux yeux de ces femmes? Tout simplement parce que Jorda, elle s'est exprimée dans les médias en faveur d'un championnat 100% féminin. 100% féminin. Et là, c'est une grave remise en cause de la mixité du sport, hein, qu'elle opère en faisant ça. Parce qu'en plus, elle fait cette déclaration Et pas dans le même temps, mais presque, enfin, du moins, tout en sachant qu'elle est en faveur de ça, vu qu'elle s'est déjà exprimée à multiples reprises pour ça, on la nomme au sein de la commission des femmes en sport automobile. Donc ça fait peur, parce que ça pourrait être une remise en cause de la mixité du sport. Et c'est une position qui n'est pas du tout partagée par la majorité des femmes présentes en sport auto. En effet, en Formule 1, on a la chance, on a vraiment la chance, selon moi en tout cas, d'avoir un sport mixte. Voilà. Et là vraiment, ça pose question. Et en plus, Carmen Jordan n'est totalement pas crédible, parce que ses résultats sportifs sont, c'est le néant comparé à d'autres femmes qui se battent dans le milieu du sport auto pour gravir les échelons. Carmen Jordan, c'est pas du tout ça. Elle avait été nommée, souvenez-vous, chez Lotus F1 Team, on sait pas comment, juste pour parce que Lotus voulait faire de la com, tout simplement, et du coup ils ont nommé Carmen Jordan, mais il y a de multiples femmes qui sont bien plus méritantes qu'elle dans le sport auto et qui luttent et qui font des résultats. Et elle n'en fait pas partie. Donc voilà. Mais ce qui peut rassurer, c'est que ce n'est pas le seul élément de la commission. C'est une commission, donc une commission, c'est plusieurs personnes, évidemment. Donc c'est un des éléments de la commission des femmes en sport automobile. Donc il y a espoir que sa voix ne porte pas trop, pardon. D'ailleurs, Michèle Mouton qui, il me semble, est la présidente de cette commission, a, on va dire, tenu à calmer le jeu en rappelant que voilà que la commission a une certaine vision et qu'elle s'y tiendrait, qu'il n'y a pas, avec cette nomination de bouleversement, bon, j'espère qu'on peut la croire vraiment, sincèrement. Mais en tout cas, ce serait un sujet intéressant à traiter dans une émission en thème principal, ça, la place des femmes en F1. Et a fortiori dans le sport automobile. Mais ça, je ne peux pas le faire seul. Il faudrait avec moi une personnalité féminine qui est bien implantée dans le sport automobile ou qui suit vraiment le sport auto pour qu'il y ait vraiment une vision féminine des choses, quoi, hein. Une vision féminine des choses à proposer. Donc voilà, j'aimerais bien le faire lors de la prochaine émission. Donc je vais rentrer en contact avec diverses femmes qui font partie du milieu du sport auto, que ce soit journalisme ou autre, je pense. Ouais, je ferai une annonce également sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, hein, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes une femme passionnée par la F1, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes intéressé pour participer, pour donner votre point de vue, vous en faites pas, on pourra préparer ça ensemble. Ou si vous avez peur de l'aspect préparation, je préparerai, on va dire, un plan. Et puis après, je vous laisserai vous exprimer. Et on verra ça ensemble, de toute façon, évidemment. Ça pourrait être très intéressant, je pense, de consacrer une émission à ça. Donc voilà, on fera ça, je pense, au prochain podcast, si possible. Sinon, ce sera pour une prochaine fois, mais j'y garde dans un tiroir du cerveau, et puis pour le ressortir au bon moment. Mais bon, c'est un sujet à traiter, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Sinon, une autre nomination, mais cette fois-ci, bon, c'est la présidence de la FIA. C'est Jean Todt qui a été réélu à la FIA pour 4 dernières années, vu que c'est le dernier mandat autorisé. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire dessus, parce que j'ai pas forcément d'avis dessus. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de la présidence de Jean Todt à la FIA? Voilà. Ça pourrait être la question que je vous pose. Ben, je vous la pose. Ça en fait pas mal, hein, des tweets à faire et tout. Vous avez de la chance, maintenant c'est 280 caractères, hein, ça laisse un peu plus de place. Donc voilà, il y a eu un d'autres changements. Il y a eu le changement de logo de la F1, voilà, qui a fait un peu couler beaucoup d'encre au début. Maintenant, on commence à s'y habituer. Si vous n'avez pas vu, ça fera bizarre au début. Mais voilà, ils veulent un peu moderniser le logo pour dans des objectifs de marketing, de communication. Moi, je regrette juste personnellement le manque d'allongement de la lettre F. Pour moi, la lettre F ne s'écrit pas comme ça. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire. On a l'impression que le F et le 1, c'est en forme de virage, de courbe et tout. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Bon. Voilà. Sinon. Ah oui, sinon, ouais. Sinon, la F1, oui, cette année, elle est plutôt allée dans le bon sens, on peut le dire, avec ses monoplaces 2017, même si c'est pas parfait. Mais par contre, voilà, quand je parlais du manque de latitude du règlement, il faut parler du règlement moteur et carburant, hein, parce que il est pas du tout adapté à ces monoplaces de 2017 qui vont plus vite, qui freinent plus tard. C'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Et là, on voit les limites de ce qui a été mis en place, on va dire, à l'aube de l'ère hybride en F1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de moteurs. Là, au niveau de la consommation de carburant, il n'y a pas assez de carburant autorisé. C'est trop strict. Et ça va l'être encore plus en 2018. Parce que la limite sera portée à 3 moteurs. Elle était à 4 moteurs cette saison. Quand on dit 3 moteurs, c'est l'ensemble, hein, du groupe propulseur, l'ensemble de l'unité de puissance. 3 unités de puissance en tout. Voilà. Et 3 éléments de chaque, je crois que c'est 3 éléments également de 3 ou 5. Je sais pas s'ils gardent la limite d'éléments à 3 ou 5 pour chaque élément. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est 3 moteurs. Donc c'est très faible. Déjà que cette année, on a vu les limites, hein, de tout ça cette année. Les écuries, eh bien, demandaient à leurs pilotes d'adapter on va dire, un mode moteur plus faible lorsqu'il y avait pas mal de kilométrage, par peur que ça casse, quoi, et parce qu'ils savaient que ça pouvait casser ou que ça allait casser. Et du coup, ça devenait de l'endurance sur plusieurs courses, on va dire, pour les moteurs. Et du coup, on pouvait pas pousser à fond la machine, mais vraiment pas du tout. Alors, je veux bien qu'il y ait de la gestion, mais là, c'est pousser un peu trop à son paroxysme. Là, non. Quand la gestion contrevient de trop à la course, moi, je suis contre, hein, vous le savez. C'est toujours ça. Moi, je me base sur la course. Et là, non, ça contrevient trop à la course. On l'a vu au Grand Prix, notamment du Brésil, hein, avec la remontée d'Hamilton, oui, par dernier, où il est le plus rapide en piste. On a l'impression, ouais, c'est le plus... Certes, il est très fort, Hamilton, mais il l'a dit lui-même, et il y en a d'autres qui l'ont dit. C'est qu'il avait un tout nouveau moteur, les autres non, et du coup il a pu pousser la bête, quoi. Il a pu vraiment pousser la bête alors que les autres ne pouvaient pas, par risque de casse, tout simplement. Ils ne pouvaient vraiment pas. À cause de la limite à 4 moteurs, tout simplement, et qu'on arrive en fin de saison et que c'est encore pire. Alors que les monoplaces en elles-mêmes, hein, sans parler du moteur, sont capables de pousser bien plus, hein. Bon. Donc voilà, c'est dommage. Raikkonen également a émis de vives critiques à propos du règlement, enfin, à propos de la limite en essence, indirectement, puisqu'il s'est plaint que, voilà, que pendant tout le Grand Prix d'Abu Dhabi, il a fait une course à l'économie d'essence. Là aussi, c'est ubuesque. Alors pourquoi cette année plus que les autres années? Ben parce que cette année, il y a plus de pleine charge dans les courbes et tout, et les monoplaces freinent plus tard et accélèrent plus vite. Donc, et freinent plus fort également. Donc forcément, il y a plus de consommation en carburant et il y a plus de consommation moteur. Donc bon, et là, vu que le règlement a prévu depuis des années qu'on passe de 5 moteurs à 4 moteurs à 3 moteurs, sans tenir compte du fait qu'en 2017, il y aura un gros changement et que ça pourrait pas convenir, sans prévoir une petite ligne en disant oui, mais si jamais ça convient pas, on peut se réserver le droit de revenir à la limite d'avant. Bah non, bah du coup on est obligé de subir ça. Bon, bah espérons que les motoristes soient et les personnes qui travaillent chez les motoristes soient suffisamment talentueuses pour vraiment limiter la casse, on va dire, faire en sorte que les unités de puissance soient meilleures en termes de fiabilité, en termes de longévité, etc. Mais j'en doute, hein, je pense qu'il y aura pas mal de grands prix à l'économie en 2018. J'espère évidemment me tromper, mais en un an, voir un tel progrès, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ben voilà, c'est assez triste quand même. C'est pour ça que les accords Concorde de 2021 sont aussi primordiaux. Voilà, je me permets de lier deux actualités. Sinon, il y a eu une énième menace de Ferrari de quitter la F1. Ouais, j'ai pas trop envie d'en parler de ça parce que c'est toujours la même chose. C'est le débat. Est-ce que la F1 peut vivre sans Ferrari? Est-ce que Ferrari peut vivre sans la F1? C'est toujours ça. Alors, c'est des menaces vis-à-vis d'un changement de règlement. Parce que, bon, je suis obligé d'en parler parce que ça concerne une nouveauté, une possible nouveauté. En vue de rendre la F1 plus compétitive et en aussi moins chère, parce qu'on s'est rendu compte finalement que la motorisation hybride, au lieu d'occasionner une réduction des coûts, comme ça devait être le cas, ben au contraire, les coûts ont quand même fortement grimpé, en particulier au début pour développer cette technologie et pour l'intégrer. Eh bien du coup, la F1 voudrait, à travers les instances à travers Liberty Media, notamment la voix de Liberty Media et Ross Brawn, voudrait standardiser certaines pièces. Pas tout, évidemment. La F1, ce n'est pas la standardisation. On est d'accord. Il faut que chacun fasse son truc. On est d'accord. Après, ils peuvent acheter chez les autres s'ils veulent, chez les grandes écuries, mais faut pas que ce soit tout standardisé. La F1 n'est pas le GP2, n'est pas une autre catégorie. C'est une discipline de constructeurs, d'écuries, etc. Mais certaines pièces pourraient peut-être être standardisées, des pièces très complexes, des pièces très complexes et qui sont finalement très chères alors qu'elles pourraient ne pas l'être, et ça pourra arranger tout le monde. Notamment ce qui est le plus technique, voilà, tout en permettant, comme je l'ai dit, aux écuries de s'exprimer de manière générale. Parce qu'évidemment, si les compétences peuvent pas, par exemple, les Ferrari, ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils pourraient plus exprimer leurs propres compétences, tu vois. Parce que forcément, si c'est standardisé, ils peuvent plus apporter leurs pattes. Mais bon, si c'est juste certaines pièces qui sont pas forcément fondamentales dans la performance de la voiture, ça pose pas grand souci. Mais bon, Ferrari fait du zèle et va jusqu'à la menace de quitter le sport. C'est pas la première fois qu'ils le font. J'ai vu ça il y a quelques années. Je suis habitué. Donc bon, on va voir ce qu'il en est. On va voir si Liberty Media, comment ils réagissent à ça. C'est intéressant de voir ça. Et puis voilà. Alors, concernant la super licence et ses livres, hein, et 45 minutes de news, et ben oui. Un podcast tous les deux mois, hein, Julien, c'est normal que ça fasse ça. Mais bon, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse de vous partager tout ça. Parce que voilà, dans toutes ces actualités, qu'est-ce que je pouvais enlever? Très franchement. Peut-être la partie sur le Grand Prix de France. Et encore, ça concerne quand même nous tous, hein, on est en France, donc bon. On a un Grand Prix de France qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Bon, voilà. La partie sur les médias, ça me tient à cœur. Bon, il y a tout qui me tient à cœur. Bref, je pouvais pas faire autrement. Bref, la super licence essai libre, elle va être modifiée. Alors, c'est quoi la super licence essai libre? C'est ce qui permet à un pilote, à un jeune, d'accéder, on va dire, à une séance d'essai libre. On a vu, notamment, cette saison et d'autres saisons, des pilotes nuls, hein, certains pilotes très nuls, mais qui apportait un financement pour pouvoir rouler en essai libre, et ça arrangeait bien les écuries. Voilà, bon, ça arrangeait moins les pilotes titulaires qui tiraient un peu la gueule de ne pas avoir les précieux tours d'essai libres nécessaires pour bien s'habituer à la piste, aux pneus, etc., aux réglages, et tout. Bref, et ben du coup, il y aura un durcissement des règles concernant cette super licence pour éviter les pilotes payants d'essai libre. Alors, il faudra 25 points de super licence. Donc, vous savez, pour accéder à la F1, tout court, il faut l'info 40. Donc, il faut faire des résultats dans les catégories inférieures et faire en sorte que sur les 3 dernières saisons, ça fasse au minimum 40 points. Voilà. Donc, catégorie inférieure ou IndyCar ou Wake, l'endurance, quoi, etc. 25 points de super licence où il faut avoir couru 6 courses en F2. Donc, quand même, c'est pas mal pour pouvoir empêcher les écuries d'y utiliser comme moyen de renflouer les comptes, ce qui était un peu le cas. Mais bon, il y a quand même une nuance à apporter à ça, c'est que participer à 6 courses de F2, ça reste souple, parce qu'en F2, il y a quand même pas mal de pilotes payants. Donc quand même, les écuries pourront piocher là-dedans pour aller chercher un pilote et le faire courir en F1 quand même. Mais bon, ça limite quand même le choix, et ça permet également à des jeunes pilotes prometteurs d'accéder aux essais libres et qui n'ont pas forcément l'argent, tout simplement. Donc on va voir comment ça s'applique en 2018. Il faudra être attentif là-dessus aussi. N'hésitez pas à faire de la veille là-dessus, hein, et à me dire après, ah oui, tiens, regarde, tu te souviens, t'avais dit dans ce podcast qu'il y avait ce changement de règle, et regarde, il y a tel pilote qui a fait les essais libres, l'année dernière ça aurait été tel pilote ou tel type de pilote, voilà. N'hésitez pas, hein, parce que des fois je peux oublier, hein, y a tellement d'éléments. Je suis tout seul, hein, je le rappelle. Et voilà, et sinon, enfin, pour finir cette partie qui n'a que trop duré, qui va durer plus longtemps que la partie principale, en fait. Hein. Eh bien, pour finir la partie news, on attend l'identité du dernier pilote de la grille. Et donc, ça se passe chez Williams. Est-ce que ce sera Robert Kubica, Sergei Sirotkin, Daniil Kvyat, Pascal Wehrlein, un autre pilote? Qui sait? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des rumeurs ici et là, mais on ne sait pas. Ça serait beau de voir Robert Kubica, mon cœur penche vers lui, évidemment. Mon cœur penche vers lui, mais bon. On ne sait pas au niveau des données en piste, si c'était suffisamment satisfaisant pour l'écurie Williams, si vraiment il est vraiment performant ou pas. On ne sait pas. On en saura plus certainement après la décision de l'écurie anglaise. Et bien voilà, c'est enfin fini pour la première partie de l'émission. On s'écoute du White Blues et puis on se retrouve directement après. A tout à l'heure, bonne écoute. I don't know where. On se retrouve dans Analyse F1 pour analyser un peu les clés du succès de Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui a fait que Lewis Hamilton a remporté son quatrième titre en 2017? Alors on pourrait évacuer le sujet direct en disant bon ben c'est un des meilleurs pilotes qui est dans la meilleure monoplace du plateau. Allez hop, c'est fini. Vivons notre passion et basta. Non, je vais pas faire ça parce que ce n'est pas vrai. Il y a eu plusieurs éléments très très importants, déterminants. Et il faut qu'il y ait ces éléments-là parce qu'il était face à Sébastien Vettel qui est lui-même quadruple champion du monde et qui était sur une monoplace quand même très performante cette saison, hein. La Ferrari en 2017 a fait un gros pas en avant, que ce soit au niveau moteur ou au niveau monoplace. Alors tout d'abord, il y a eu du travail du côté du pilote anglais. Ce n'est pas un fainéant qui fait que de traîner avec la jet set comme certains médias veulent à chaque fois faire comprendre. À chaque fois que il y a une photo sur Twitter où il se retrouve avec une star, à chaque fois qu'il y a, ah oui, ça aussi, hein. À chaque fois qu'Hamilton poste une photo où il fait sa vie, bon, il aime bien être traîner avec les stars, être dans les soirées de gala, etc. À chaque fois qu'il y a une photo de ça, il y a quasi instantanément un article qui jaillit sur la toile. Un article avec comme question, est-ce que la vie extra-sportive de Lewis Hamilton nuit à ses résultats? Mais à chaque fois, même quand on sait que non, on sait qu'il aime vivre sa vie comme ça, qu'à côté il bosse, à chaque fois il y a un article comme ça, tout sauf professionnel, mais juste pour rameuter du clic et rameuter les gens qui vont commenter en étant anti-Hamilton, les autres qui sont pro-Hamilton, etc., etc. Et du coup, ça donne plus de visibilité à cet article qui est un article de poubelle, hein, vraiment. Pour moi, c'est un article poubelle, tout simplement, tant sur la forme que dans le fond, hein, pour un coup, pour les deux. Comme beaucoup de choses poubelles que j'ai pu évoquer en début d'émission. Bref, il faut le répéter quand même, c'est pas un fainéant. Et là, je me réfère aux déclarations de Valtteri Bottas, qui, vers la fin de saison, a déclaré qu'il était très surpris. Il était très surpris du niveau de travail et de sérieux de Lewis Hamilton. Il pensait vraiment pas qu'Hamilton travaillait autant pour arriver à ces performances-là. Et ça l'a scotché. Donc voilà, Bottas, en même temps, ça lui montre que s'il veut élever le niveau et atteindre un niveau de potentiel champion du monde, il va falloir passer dans une autre catégorie, au niveau du travail. Donc voilà, également, du coup, la conséquence qu'il y a eu sur les performances de Lewis Hamilton, c'est qu'il y a eu finalement assez peu d'erreurs cette saison. Ça n'a pas été une saison parfaite de la part du pilote anglais. Mais il y a eu assez peu d'erreurs. C'était surtout la première partie qui était moins bonne, hein, pour le pilote anglais. Mais sinon, en deuxième partie de saison, il a été quasi parfait pour acquérir ce titre. Et il y a eu des fois, on avait l'impression qu'il était vraiment imbattable. Il a également profité de la défaillance de ses adversaires. C'est une autre raison qui explique son titre. Donc ses adversaires, c'était Ferrari et Vettel. Ferrari, parce que comme j'ai expliqué, la monoplace était très rapide cette saison. Ferrari était très rapide, mais malheureusement, le gros défaut qui s'est révélé en particulier dans la deuxième partie de saison, c'est le manque de fiabilité de la monoplace italienne. Donc voilà, il y a eu un manque de fiabilité qui a coûté vraiment beaucoup de points à Vettel. Et en plus, Vettel, par-dessus ça, a commis quelques erreurs. Donc à Bakou, tout d'abord, où il a pété un câble. Je rappelle pas l'histoire, hein, vous le savez. Et à Singapour, au départ, où il a été, on va dire, pas intelligent dans sa défense. On aurait dit que c'était la course qui devait vraiment pas, où il devait vraiment gagner et dès le départ ça se jouait, alors que non. Et en faisant ça, il a tout perdu, finalement. Et une autre raison, c'est, au sein de Ferrari, c'est que Raikkonen a été absent pour aider Vettel. Alors, il a fait ses résultats dans son coin, parfois sur le podium, etc. Mais aucune victoire. Très peu de fois, il s'est immiscé entre Vettel et Hamilton pour prendre des points. Et ça, quand t'as pas un coéquipier qui t'aide, c'est compliqué. Donc voilà, Raikkonen, il a fait sa saison dans son coin, voilà, sans plus. Voilà. Avec des fois des... Il a été un peu meilleur que d'autres, voilà. Tout simplement. Et ensuite, une des raisons, une autre défaillance, c'est Valtteri Bottas, qui laissait quand même le coéquipier d'Hamilton, donc il est sur la monoplace championne du monde, hein, Bottas. Donc voilà, il a été un bon coéquipier en revanche, Bottas, un très bon coéquipier. Il a pu s'immiscer pour reprendre des points, pour aider Hamilton, mais il a gagné des grands prix d'ailleurs cette saison, mais ça n'a pas été un rival à Hamilton. Non, non, il n'a pas été régulier, on va dire, dans ses performances. Il a eu un bon moment où il a signé plusieurs podiums d'affilée là dans la F1 et est allé en Europe. Il y a eu des bonnes performances où là il s'était vraiment rapproché au championnat du monde des pilotes. Mais bon, c'était trop irrégulier sur l'ensemble de la saison pour prétendre à autre chose que sa troisième place au championnat du monde des pilotes. Donc voilà, c'est dommage. Et on verra l'année prochaine ce que ça donne hein, pour lui. Donc voilà, ça c'était pour les défaillances. Et ensuite, bon, Hamilton, il a fait ses propres déclarations. Il a déclaré que voilà, que l'ambiance dans l'équipe était vraiment plus sereine que l'an passé. Que Bottas était un coéquipier vraiment sympa, vraiment cool, qu'il privilégiait le travail d'équipe, qu'il n'avait jamais eu une aussi bonne relation qu'avec Bottas, avec un coéquipier. Bon, faudrait voir s'il dit la même chose, si jamais Bottas était vraiment lui opposait une rivalité forte en piste. On verrait s'il y a des différences ou pas hein, à ce niveau-là. Parce que là, évidemment, Hamilton, il a tout intérêt à valoriser le travail de son coéquipier. Et tout, ça l'arrange vu sa position au classement, etc. et sa domination sportive sur lui. Donc voilà. Mais c'est vrai que les deux ont l'air de bien s'entendre et que Bottas a l'air de bien faire le jeu de l'équipe et de bien d'être un bon pilote pour Mercedes. Mais voilà, à travers toutes ces déclarations, évidemment, Hamilton tacle la saison 2016 et tacle Nico Rosberg. Évidemment, parce qu'il reproche à Rosberg d'avoir mis la zizanie dans l'écurie Mercedes. Parce que oui, il dit que Bottas ne cherche pas à avoir les ingénieurs pour lui, quoi. Que vraiment Bottas, c'est un pilote qui la joue équipe en entier, quoi. Pas juste son petit coin. Sous-entendu, Rosberg faisait ça. Donc voilà, il y a ce tacle. Et il y a une réponse de Rosberg, enfin, ou bien c'était la réponse d'Hamilton à Rosberg, peu importe. Il y a eu une déclaration en tout cas du champion du monde 2016, Nico Rosberg, qui a déclaré que Hamilton n'était pas meilleur qu'en 2016. Non, non, qu'il avait le même niveau, sauf que, ben, il n'y avait pas juste qu'il n'y avait pas d'adversité en interne par rapport à 2016. Donc là, il se valorise, Rosberg. Sous-entendu, ben, moi, je lui ai opposé une vraie rivalité, j'ai remporté le titre. Et là, vous voyez, en 2017, ben, Bottas, il fait rien. Enfin, il est loin quoi au classement. Du coup, Hamilton, il est tranquille en interne. Il est tranquille et ça se passe bien pour lui. Mais bon, quand même, Hamilton, il a dû faire face à une rivalité avec Sebastian Vettel. Donc, on peut nuancer les propos de Nico Rosberg. Et en plus, il y a eu une anecdote de Nico Rosberg intéressante sur 2016, c'est que Rosberg, durant la pause de l'été, me semble que c'était à cette période. Il s'est dit, parce que il s'est dit, bon ben chaque kilo en fait en plus, c'est des millièmes en moins, des millièmes en moins sur la piste. Et comme avec Hamilton, ça se joue souvent au millième sur un tour et tout, il s'est dit, ouais ben je fais trop de vélo, j'ai des muscles là où j'en ai pas besoin d'en avoir. Il avait un peu trop de muscles, je crois que c'était au mollet, je crois, au mollet ou aux cuisses. Et il a décidé de maigrir à ce niveau-là, donc il a arrêté le vélo. Et il a maigri, et on va dire que le temps théorique que son régime lui a fait perdre en kilos, eh bien, c'est le temps qui lui a permis de remporter la pole à Suzuka en 2016. Et ça, c'est apparemment ça, rien que ce fait-là, ça a affecté Hamilton. Ça aurait affecté Hamilton, en tout cas, c'est selon Nico Rosberg, ça, cette pole à Suzuka, ça a affecté Hamilton. Donc, est-ce que ça l'a tellement affecté, si jamais ça l'a affecté, on n'est pas sûr, mais est-ce que ça l'aurait tellement affecté jusqu'à ce que Hamilton change de régime alimentaire, parce que il a changé de régime alimentaire et de façon de vivre tout court, Hamilton, puisqu'il l'a déclaré. plusieurs fois cette saison, il est devenu vegan. Il s'est mis au véganisme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le véganisme, ça consiste en ne consommant aucun produit qui provienne de l'exploitation animale. Donc évidemment, pas de nourriture qui provienne d'animaux, pas de produits, enfin aucun produit pharmaceutique qui n'aurait été testé sur les animaux ou qui provienne d'animaux, les vêtements pareil. Voilà. Ça c'est le véganisme. Donc voilà, Milton, il s'est mis à ça, en tout cas d'après ses déclarations, et il a déclaré se sentir très très bien. Il s'est jamais senti aussi bien dans son corps depuis qu'il a adopté ce régime-là. Donc tant mieux pour lui, hein, c'est cool, parce que du coup, s'il est au mieux, s'il a un bien-être très très fort, ça se ressent, ça peut se ressentir sportivement. Et en effet, il semble que qu'il ait pu gagner du temps là-dessus, hein, c'est possible. Hein. Donc c'est cool pour lui. Et pourtant, vous voyez, c'est un pilote quand même qui est triple champion du monde. Mais voilà, il s'est fait battre par Rosberger en 2016. Il y a eu cette anecdote, peut-être que c'est ça qui a fait qu'il a voulu encore plus aller loin, on va dire, dans la remise en question. Donc voilà, Hamilton, Strass et Payet, certes, mais c'est un pilote qui bosse beaucoup et qui se remet en question quand il commet des erreurs, même s'il va pas le déclarer publiquement tous les 4 matins parce qu'il a sa fierté, hein, comme quasiment tous les pilotes. Mais voilà, en tout cas, il en est venu là, Hamilton. Donc voilà, tant mieux pour lui. Donc c'est une des raisons également qui a pu impliquer son titre en 2017. Voilà, vous voyez, il y a des multiples raisons, hein, ça s'arrête pas à Hamilton, c'est un des meilleurs pilotes du plateau. Il a la meilleure monoplace. Il a le titre. Hop. Fin du film. Non. Il y a vraiment plusieurs raisons qui impliquent ses performances. Bon, après, vous allez me dire, il a fait, à toute fin de saison, ça a été plus délicat. Hein. Ses performances étaient vraiment, il n'y a pas eu de victoire quoi sur les derniers Grands Prix. C'était comme en 2015 où après qu'il a gagné son titre à Austin. En 2015, il avait remporté aucun Grand Prix. C'était Rosberg qui avait tout gagné. Là, en 2017, pareil, il remporte le titre et après il gagne aucun Grand Prix. Alors, il y a eu des déclarations d'Hamilton où il a avoué ne pas avoir été à 100% après avoir remporté son titre et après avoir fêté son titre. Donc, de là, il y a eu l'interprétation des médias. Évidemment, on est revenu sur le fameux la vie bling bling et tout, ça va pas avec la vie d'un sportif de haut niveau, etc. Enfin, mais en fait, dans les paroles de Hamilton, fallait comprendre surtout que c'est normal. En fait, il a remporté le titre, il a du coup les risques à prendre sont moindres, y compris sur un tour, vu que les qualifications sont une partie vraiment primordiale avec ces monoplaces version 2017. C'est là où tu dois prendre le plus de risques. Du coup, il en a pris moins, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a, par exemple, à Abu Dhabi, peut-être que c'est pour ça que Bottas a pu le battre, tout simplement, pour la pole. Donc, c'est normal, il a gagné le titre. Il a dit à Hamilton, il a quand même encore essayé de travailler comme d'habitude, pour essayer de remporter les Grands Prix, mais inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, il n'a pas pris les risques qu'il aurait pris s'il était encore en lutte pour le titre. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Hein. C'est pas dû à son rythme de vie ou quoi. Hein. C'est tout à fait normal. Donc voilà, on peut rappeler certaines choses. Au Mexique, il a fait une qualif pas folle, mais finalement, ça semblait être la performance de la Mercedes qui était là. Voilà. Je pense que même en prenant des risques, il n'aurait pas fait foncièrement mieux, vu qu'il était déjà, je crois, à 6 dixièmes de la tête. Puis après, au départ, il a été pris dans un incident, il n'y pouvait rien, le pauvre, vraiment. Donc bon, de là, il n'a pas gagné le Grand Prix, mais bon, on peut pas trop lui reprocher. Au Brésil, par contre, il a fait une erreur en qualif. Là, c'est sûr, une erreur assez inhabituelle de sa part, qui a montré qu'il était humain, finalement, et oui. Et à Abu Dhabi, Bottas, il a le droit d'être le meilleur quelquefois, quand même, ça arrive, on a vu cette saison, c'est à l'image de saison, Bottas, il a été irrégulier, il y a des fois où il a réussi à battre Hamilton, alors qu'Hamilton était au taquet, et là, il a réussi à le battre, alors est-ce que Hamilton était vraiment au taquet, ou est-ce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu quand même inconsciemment le fait qu'il soit déjà titré, qui a joué, c'est possible, mais voilà, 2018, ça sera dans un autre état d'esprit, on le sait. On sait qu'Hamilton, là, il saura qu'il doit prendre des risques, là, cette fois-ci, plus de risques pour être devant. Donc voilà, il n'y a pas d'analyse particulière à faire ou de critique à faire d'Hamilton sur cette fin de saison. Il était titré, on verra en 2018, en début 2018, comment il sera, mais nul doute qu'il sera au taquet. Hein. C'est un grand pilote, hein. C'est un très grand pilote, Hamilton. Hein. Donc bon. Moi, je m'en fais pas là-dessus. M'en fais pas du tout là-dessus. Et enfin, l'ultime raison qui a fait le titre de la Hamilton, certainement que vous l'attendiez, c'est Mercedes, qui est au top de la fiabilité, contrairement à Ferrari notamment. Et vraiment, cette saison, alors que la saison dernière, ben, Hamilton, il se plaignait un peu d'accumuler tous les soucis moteurs, ben là, Mercedes a été au top. Hein. Franchement, je crois qu'il a eu aucun souci de fiabilité cette saison. Je crois qu'il a fini tous les Grands Prix, d'ailleurs, Hamilton. Il me semble que c'est ça la stat cette saison. Il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il y a une stat comme ça de fiabilité de la part de Mercedes et Hamilton. L'unité de puissance Mercedes, c'est la meilleure. C'est la plus rapide. Et non, c'est peut-être pas forcément la plus rapide, mais c'est la meilleure, la plus fiable, et c'est celle qui permet la meilleure exploitation du moteur. Pourquoi? Parce qu'en qualification, il y a ce fameux bouton magique qu'apparemment Ferrari dispose également. Donc Ferrari dispose également, sauf que bon bah c'est un peu comme le tweet de Donald Trump. Je sais pas si vous avez suivi ce qu'il a dit à Kim Jong-un. J'ai un meilleur bouton que toi. Bah là c'est pareil, Mercedes ils peuvent dire à Ferrari. D'ailleurs ah ouais, j'en appelle à tous les caricaturistes qui m'écoutent s'il y en a. Vous pouvez faire un dessin avec Toto Wolff ou Hamilton qui dit j'ai un meilleur bouton que toi. Bah c'est un peu le cas. Hein. Il avait un meilleur bouton magique que Ferrari. Et Vettel, et du coup, ben, en qualif, ça pouvait pousser plus fort, et même en course pour aller dépasser, hein. Même en course pour aller dépasser ses adversaires, hein. Par exemple le Grand Prix d'Espagne, Grand Prix d'Espagne où Hamilton dépasse Vettel, c'est en partie également grâce au bouton magique qui lui permet d'acquérir quelques chevaux supplémentaires pour X tours, pour aider au dépassement. Donc voilà, hein. Ça c'est très fort, d'autant plus en 2017 où il est plus compliqué d'aller doubler son vis-à-vis. Donc voilà, c'était très utile. Donc voilà, vous prenez tout ça, vous mélangez, et ça fait le titre, ça donne finalement, quand je raconte tout ça, même moi là, quand je suis en train de m'exprimer, je me dis, mais ouais, mais en fait, le titre d'Hamilton, il est tout à fait logique sur l'ensemble de la saison. Si on prend en compte tout ça. Voilà, tout simplement. Après, on pourrait faire également, à l'inverse, les clés du non-succès de Vettel. Et oui, mais bon. On peut en déduire, on peut en déduire ça aussi. Bon ben voilà, c'était le thème du jour, hein, le thème de cette émission. Plus court que la partie actualité, mais c'est vrai que la partie actualité, quelque part, elle était, ben c'est vrai, hein, plus importante, hein, plus dense et plus importante que le thème du jour, hein. J'en suis navré. Mais le thème du jour, j'avais envie de le traiter parce que je voulais pas, on va dire, revenir après la fin de saison, sans faire une sorte de bilan dans le thème. Donc voilà, j'en ai fait un. J'espère avoir été pertinent et de pas avoir raconté la même chose que j'aurais pu raconter tout au long de la saison. Auquel cas, j'aurais raté le coche et j'aurais fait exactement ce que j'ai critiqué un peu plus tôt, même tout au début du podcast. J'espère ne pas en être arrivé là. Mais n'hésitez pas à réagir, évidemment, et à me le dire. On se retrouve juste après pour le High Speed Dating, hein. Bonne écoute de White Blues, encore une fois. I'm out on Jimmy, to withstand the fire. No sense song. Analyse F1, ce n'est pas fini, il reste la dernière partie de ce podcast consacrée à High Speed Dating. High Speed Dating, c'est la rencontre entre vous et un pilote de Formule 1 en activité, et en particulier à la rencontre de son passé pour vraiment le connaître plus en profondeur, d'où le Speed Dating, évidemment. Donc voilà, une rencontre à haute vitesse en compagnie de Kevin Magnussen, le porteur du numéro 20, en Formule 1, tout simplement. Il est né le 5 octobre 1992 à Roskilde. Alors, je dois très mal prononcer le nom de cette ville. Je m'en excuse à toutes les personnes qui parlent le danois et qui écoutent ce podcast. On ne sait jamais. Voilà, donc c'est au Danemark, vous l'aurez compris. Ça se situe à environ 30-50 km de Copenhague. Ça dépend quelle route vous prenez, hein. Vraiment. Une petite recherche sur internet m'a permis de voir ça. Donc voilà, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Donc voilà. C'est pas du tout loin de tout. Il a 25 ans du coup actuellement. Il a 25 ans. Ça me fait bizarre, hein, mesdames et messieurs. C'est vraiment de parler d'un pilote qui est plus jeune que moi. Mais tout juste plus jeune, quoi. Parce que j'ai parlé de Max Verstappen, j'ai parlé d'autres pilotes. Mais ouais, ça me fait bizarre, maintenant que j'y repense, même, je me dis, ah ouais, j'ai parlé de Max Verstappen qui est bien plus jeune que moi. Ah là là, ça me fait bizarre. Enfin bref. Donc Magnussen, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, vous qui suivez la F1 depuis un moment, ou pas depuis un moment d'ailleurs. Eh bien oui, puisqu'il est le fils de Jan Magnussen, qui était lui-même pilote de F1 dans les années 90, entre 95 et 98 exactement. Donc voilà, encore un fils d'eux, comme Verstappen d'ailleurs, hein. Et oui. Donc, ben comme tout bon futur pilote de F1 ou pas. Et ben il commence le karting dès l'enfance. Il n'y a pas trop d'informations sur l'âge, contrairement à d'autres pilotes que j'ai pu traiter précédemment. Mais j'ai des informations sur les compétitions et sur ses performances en compétition en karting. Donc en 2005, donc il a 13 ans, 12-13 ans, vu qu'il est de fin d'année, il a 12-13 ans. Il arrive quatrième du Göteborgs Stora Pris, une compétition ICA Junior. Donc il y croise notamment Felix Rosenqvist, que vous pouvez voir en Formule électrique, et Timmy Hansen, que vous pouvez voir en World RX, le rallycross, le champion du monde de rallycross. Donc voilà, déjà à 13 ans, il croise ces deux pilotes que l'on voit maintenant, on va dire, de manière internationale. Et la même année, il termine quatrième du championnat danois ICA Junior. Donc voilà, il commence à s'illustrer. En 2006, là, il va surtout s'illustrer à la Monaco Kart Cup, donc à Monaco, c'est encore de l'ICA Junior, et il termine quatrième de cette compétition. Et il y avait notamment Oliver Rowland qui participait, Oliver Rowland, que vous avez pu voir peut-être en Formule 2, anciennement GP2, et qui souvent joue les premiers rôles dans cette compétition. Donc voilà, c'est la première fois, apparemment, des informations que j'ai pu recueillir en tout cas, c'est la première fois qu'il s'illustre en dehors du nord de l'Europe, donc face à des pilotes qui venaient de partout dans le monde. Donc là, c'est pas mal. Il se montre et c'est intéressant. Et c'est une grosse année pour Kevin Magnussen, pas juste pour ça, parce qu'il termine premier du Peugeot Supercart, également une compétition ici à Junior, hein, tout comme le NES Championship. Il le remporte également, c'est le championnat d'Europe du Nord, hein, de karting, donc des pilotes juniors. Il y recroise Rosenqvist, il y avait également Andreas Bakkelud, donc qui fait également du rallycross, de nouveau Timmy Hansen également, et Tumi Häkkinen également, que vous voyez en rallycross. Non, Bakkelud, si, Bakkelud, c'est rallycross ou WRC, je ne sais, et là j'ai un doute. Je commence à avoir un doute, mais il me semble que c'est du rallycross. Bref, il croise des pilotes qu'on voit maintenant un peu partout. À 14 ans, il remporte ce championnat. Et il finit en plus, ah oui, l'année 2006 est définitivement dense et riche en succès pour le jeune pilote danois, le jeune Magnussen. Il termine troisième du Viking Trophy, ICA Junior. Donc voilà, c'est une année qui lui a permis de s'illustrer. Tout d'abord, de faire une petite domination quand même en Europe du Nord, de dire ouais, bon bah là je gagne, je domine, et également d'aller en dehors de sa zone de confort, de préparer peut-être la suite en allant à Monaco pour faire cette coupe, pour participer à cette coupe, à cet événement unique et terminer quatrième, ce qui est pas mal. En 2007, c'est la dernière année qu'il fait en karting, hein, dernière année. En catégorie senior cette fois, et oui, toutes les années avant c'était en catégorie junior, là c'est en catégorie senior. Il termine 4e du CIK FIA Viking Trophy, il y avait Timmy Hansen également qui le faisait. Donc voilà, c'est bien, première année en senior, en karting, sachant que bon, faut s'y frotter, hein, aux vieux de la vieille du karting ou aux mecs qui sont vraiment à fond sur le kart et qui décrochent pas du karting, qui vont pas en monoplace et qui connaissent tout du truc. Faire 4e c'est pas mal. Alors il a fait 4e du coup dans son coin, hein, Viking Trophy, c'est en Europe du Nord. Et également il va se frotter au niveau européen dans diverses compétitions. Malheureusement sans succès aucun. Comme je l'ai dit, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, karting senior. Mais ça lui permet au moins de découvrir autre chose que l'Europe du Nord, de s'éloigner de sa zone de confort et quelque part de préparer la suite. C'est une bonne mise en bouche pour lui, pour la monoplace, pour pas être perdu et que ça nuise à ses moyens quand il va arriver dans des catégories, quand il va arriver en Europe occidentale, quand il va arriver en France, en Italie, en Angleterre, etc., pour faire des courses, il sera pas complètement perdu. Il aura déjà eu un pied-à-terre à un moment donné là-bas. Donc voilà, en monoplace. Il va faire le même processus qu'en kart finalement. Il va y aller pas à pas. Tout d'abord à Amérique du Nord et ensuite également Europe du Nord, pardon. Pourquoi Amérique? J'ai Europe, hein. Chaque fois que j'ai dit Amérique, c'est Europe. Hein. C'est tout, tout. Il n'y a jamais eu Amérique hein. Dans l'histoire de Kevin Magnussen. Toujours Europe. Donc même processus qu'en kart. Déjà essayer de dominer l'Europe du Nord et petit à petit s'intégrer à l'Europe vraiment vraiment là où il y a vraiment le monde entier qui participe. Donc en 2008, il remporte le championnat danois de Formule Ford hein, pour sa première année en monoplace. 11 victoires sur 15 courses, donc voilà, le niveau danois n'est pas du tout au niveau de Kevin Magnussen, on le sait. Là on se dit, bon ben il faut aller au-dessus. Hein. Il participe également à d'autres compétitions d'ailleurs cette année-là, dont les ADAC Formule Masters et la Formule Renault 2.0 Portugal Winter Series. Donc comme en karting, d'avoir participé à ces compétitions, c'est plutôt pas mal pour faire un premier pas vers le reste de l'Europe. En 2009, il va rester dans un premier temps en Europe du Nord. Enfin, il va faire un peu les deux d'ailleurs. Il va faire les deux. Il va arriver deuxième de la Formule Renault 2.0 NEC. NEC, donc pour Europe du Nord. NEC, c'est North European Championship. Championnat d'Europe du Nord. De Formule Renault 2.0. Donc, il finit deuxième, loin derrière Antonio Félix da Costa. Hein, que vous avez pu voir en Formule E. Que vous avez pu voir à l'époque en Formule Renault 3.5 il me semble, qui était dans la filière Red Bull à une époque d'ailleurs, mais il fait 12 podiums sur 14 courses, une seule victoire ceci dit, il fait plutôt une bonne saison quand même. Hein. Donc voilà, pas à pas, il a fait Danemark, l'Europe du Nord, et en 2009 également, il participe à l'Eurocup Formule Renault 2.0, donc là ça inclut tout l'Europe, toute l'Europe, donc un plateau un peu plus relevé, donc il termine 7ème pour sa première saison, c'est pas mal. Un seul podium, il y a croisé quand même Jean-Éric Vergne, encore Antonio Félix da Costa qui a fait le même parcours, Nathanaël Berton, le pilote français que vous pouvez suivre donc ce mois-ci au Trophée Andros, pilote du coin, pilote du cru, pilote de l'Auvergne, hein, voilà. C'est dit, pilote de la région clermontoise, voilà. Donc voilà, j'avais juste à dire ça en fait. Et Carlos Munoz qui officie ou a officié en IndyCar. Tout simplement, donc voilà, le plateau vraiment plus relevé. Et il termine 7ème, donc c'est pas mal. Juste en une année, il a fait deux pleines saisons de Formule Renault 2.0. Donc, ça lui a permis, d'un côté, d'asseoir sa réputation en Europe du Nord. Voilà, il avait fait premier championnat danois, là, il fait deuxième en Formule Renault 2.0 d'Europe du Nord. Et il commence à se créer une petite réputation en Formule Renault 2.0 en Europe, tout simplement. Parce que là, en 2009, du coup, il a 17 ans. Donc, il est encore jeune. Hein, donc, il se crée une petite réputation. Donc, c'est cool. Et il va intéresser notamment McLaren. McLaren qui va l'intégrer à son programme de jeunes. Ils se disent, ah, c'est bien ce jeune-là, ce rookie-là, en Formule Renault 2.0. Il se débrouille bien. En Europe du Nord, il gagne pas mal de choses. Allez, il est prometteur. Go. En plus, bon, sûrement que son père, Yann Magnussen, a des connaissances chez McLaren, et ça aide, hein, ça aide d'avoir un père ancien pilote de F1. Donc voilà, tout ça réuni, voilà, ça fait que Kevin Magnussen intègre le programme de jeunes de McLaren. McLaren qui veut alors reproduire l'effet Hamilton avec un de leurs jeunes. Donc ça peut être Kevin Magnussen, ça peut être Stoffel Vandoorne. Donc ce qui est bien là pour Magnussen, c'est qu'il a plus du tout à se soucier de ne pas avoir assez d'argent pour continuer. Si jamais c'était un souci à l'époque, je n'ai pas d'informations sur ça, sur la fortune de son père, etc. Mais si jamais c'est un souci, ça ne l'est plus en tout cas. Il doit juste avoir un souci de performance maintenant pour convaincre McLaren et de compétition avec les autres jeunes de McLaren qui ont à cœur de bien réussir. Donc en 2010, définitivement, il dit au revoir à l'Europe du Nord en termes de compétition, il faut se frotter à d'autres milieux. Donc la F3 allemande, il termine troisième pour cette saison-là de F3 allemande. Il y croise notamment Daniel Abt, Felix Rosenquist et Tom Dillmann, le français, qui a notamment remporté la Formule Renault 28 3.5 il y a 2 ans, je crois, dans l'avant-dernière saison. Pas en 2016, quoi. En 2016, je crois que c'est lui qui a remporté ça. Bref. Donc c'est pas mal, troisième. Il fait une pige de 2 courses également en F3 Euro Series. Hein. Et là, il fait quand même des très bons résultats parce qu'il fait 7ème et 1er. Donc voilà, une victoire sur 2 courses en F3 Euro Series pour une pige. C'est pas mal, bonne adaptation de sa part, il répond présent quand on lui demande. Résultat très honorable de faire troisième en F3 allemande, certes il remporte pas le titre, mais bon, il ne peut pas gagner tout le temps. Donc en 2011, on estime qu'il est prêt pour aller ailleurs, en F3 britannique du coup. Donc il y croise Felipe Nasr, qui remporte d'ailleurs le titre de F3 britannique. Kevin Magnussen termine deuxième, juste derrière. Et il termine également Kevin Magnussen troisième au Masters de Zandvoort. Vous le savez, en F3, il y a deux courses uniques qui sont mythiques, c'est Zandvoort et Macao. Et donc à Zandvoort, il termine troisième sur le podium. Donc encore une fois, des bons résultats. Et du coup, en 2012, c'est bon. On se dit que pour Kevin Magnussen, il peut passer à l'étape vraiment supérieure pour ses 20 ans, on va dire, 19-20 ans, à une catégorie qui pourrait permettre d'accéder directement à la F1, en l'occurrence la Formule Renault 3.5. Et pour sa saison initiale, sa saison de rookie, il termine 7e de cette catégorie. Il y croise notamment Jules Bianchi, Sam Bird, Da Costa de nouveau, Alexander Rossi, Will Stevens, etc., etc. Donc vraiment un plateau très relevé, beaucoup plus relevé que ce qu'il a pu connaître avant, et pourtant il s'en sort de très belle manière, avec une victoire dans la poche durant la saison. Et maintenant, l'objectif pour la prochaine saison, ça va être, comme je le dis souvent dans les speed dating, hein, pour un peu tous les pilotes, hein, la première saison, on s'acclimate et tout, on essaye de faire ce qu'on peut, et de quand même d'impressionner, et la deuxième saison, il faut la gagner. Ben, là, c'est un peu ça l'objectif. Et aussi, il a eu un cadeau en fin de saison 2012, c'est de participer aux essais de jeunes à Abu Dhabi, donc il a pu tester une F1, là, il a pu tester la McLaren, fin 2012, donc il a pu notamment acquérir la super licence à cette occasion, qui est donc nécessaire pour pouvoir courir en F1. McLaren a décidé d'être, au cas où, d'être sûr à ce niveau-là, et de faire acquérir cette super licence à son pilote, à son jeune pilote. Donc en 2013, il reste en Formule Renault 3.5 et il remporte cette catégorie, donc le pari est réussi. Il remporte la Formule Renault 3.5, il confirme, comme la plupart des pilotes qui arrivent en F1, mais c'est important parce que ça montre qu'il sait gérer la pression des résultats, parce que là, il le savait, hein, il devait remporter pour avoir la F1. Là, on sait aussi également que l'adrénaline, ça peut le booster, au vu de son titre, et c'est plutôt pas mal. Donc 5 victoires et 13 podiums sur 17 courses. Il y bat notamment Stoffel Vandoorne, hein. Donc là, vraiment... Un ennemi direct, on va dire, vu que les deux, cette année-là, étaient dans la filière jeune pilote de McLaren. Donc vraiment, c'était un duel vraiment direct, hein, entre les deux. Il y bat également Da Costa, Stevens, Sirotkin, etc., etc. Donc voilà, il a rempli toutes les cases, et maintenant, il peut entrer en F1, et il y rentre évidemment en 2014, avec McLaren qui décide de lui donner sa chance. Il y fait des débuts fracassants à Melbourne avec un podium, hein, une deuxième place. C'était assez surprenant, devant son coéquipier Jenson Button, ce jour-là. Mais bon, c'était particulier parce que c'était la première course de la saison, elle était la première course de l'ère hybride, et donc c'était vraiment pas révélateur de ce qu'allait être la suite de la saison. Et en effet, vu que le châssis McLaren était une véritable chiasse en 2014, comme en 2013 d'ailleurs. Voilà, ben moi je le dis. Pourquoi je le dis comme ça et que je suis vulgaire? Simplement parce que McLaren, ces années-là, a voulu noyer le poisson. Donc en 2013, voilà, ils ont noyé le poisson en se déchaînant sur Pérez. Et en 2014, ils ont noyé le poisson en disant « Oh, on n'est pas l'écurie principale de Mercedes, et puis Magnussen a fait plein d'erreurs, et puis voilà, avec Honda, ça sera mieux, on va renouer avec l'histoire. » Voilà. Je vous résume la communication de McLaren qui a peut-être vous enfumer si vous êtes passionné de McLaren et que vous y avez cru. À l'époque, en tout cas, moi pas. Pour ceux qui s'en souviennent, je me suis pas du tout fait enfumer par cette communication. J'étais juste dans l'expectative, dans l'attente, en disant bon, ben impressionnez-moi. Ben j'ai pas été impressionné, ou j'étais impressionné, mais en inverse quoi. C'était le contraire, hein. Donc bref, cette saison-là, c'était compliqué. Parce que dû à ce châssis, dû à son coéquipier qui est le champion du monde 2009, Jenson Button, qui juste avant avait bien rivalisé avec, qui avait battu Pérez assez logiquement, tout aussi logiquement, et avant rivalisé plutôt pas mal avec Hamilton. Donc bon, ben Magnussen pour ses débuts en F1, il est logiquement dominé par l'anglais. Il s'illustre malheureusement le pilote danois par quelques erreurs, notamment à Spa. On se souvient de cette défense un peu trop peut-être acharnée sur Fernando Alonso. et a voulu trop en faire sûrement, mais rien de bien méchant, du moins par rapport à aujourd'hui, j'y reviendrai. Rien de bien méchant néanmoins pour sa situation de rookie. Bon, il impressionne pas non plus, il fait les résultats que lui permettent sa monoplace, hein, globalement. Mais voilà, c'est un rookie, il a tout à apprendre. Mais malheureusement, il fallait un bouc émissaire à McLaren. Hein. Et voilà, l'année d'avant, c'était Perez, maintenant, c'est Magnussen. Donc après, en plus, McLaren, je rappelle, ils ont soutenu Magnussen pendant des années. Et à l'orée de la saison 2014, vraiment. Vraiment, je m'en souviens. Comme si c'était hier, McLaren nous dit et redit que Magnussen, c'est le futur Hamilton, c'est un futur champion du monde et tout. Et moins d'un an après, eh ben, ils vont lui chier dans la bouche, littéralement, et vraiment. Il l'écarte du baquet. Voilà, ça devient un pilote de réserve et d'essai. Il a même pas de baquet officiel en 2015. Donc voilà, moi je dis, c'est un peu injuste parce que le châssis de 2014 pouvait pas trop donner l'occasion à Magnussen de s'illustrer. En plus, à côté de Button, où on a encore plus l'impression que voilà, qu'il est mauvais, alors que non, pas forcément. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Il a quand même marqué ses points, Magnussen. Donc voilà, 2015, année quasi sabbatique. On va dire, je dis quasi parce qu'à Melbourne, il a eu l'occasion de remplacer Alonso. Malheureusement, le moteur Honda en a voulu autrement. Donc voilà, il attend son heure, tout simplement. Magnussen, malheureusement, avec Alonso et Button dans les baquets McLaren, il peut attendre la Saint-Glinglin, le pauvre Magnussen. Et en octobre, voilà, Magnussen est viré. Voilà, on lui annonce qu'il est viré. Donc voilà, McLaren, ils font pas dans le sentimental, ils le virent. Heureusement, en 2016, pour lui, il trouve refuge chez Renault, donc l'écurie française qui, sur les cendres de Lotus, a décidé de bâtir ses fondations. Donc voilà, c'était tout début de Renault, donc là aussi c'est difficile de s'exprimer avec une monoplace si faible. Il domine en première partie de saison son coéquipier Palmer quand même, qui était rookie, donc bon, ça veut dire que Magnussen, il a bien profité de son expérience, etc. et tout et tout. Puis Palmer se réveille un peu, c'est un peu plus serré entre les deux, mais voilà, au final, dans le championnat du monde, Magnussen finit devant Palmer, tout simplement. Il n'a pas trop eu l'occasion de briller non plus, Magnussen. Voilà, mais il ne s'illustre pas non plus. Voilà, on voit que ça a l'air d'être un bon pilote, mais on ne sait pas trop. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et Renault, quand même, choisit de se séparer de lui de manière tout à fait discutable. Il garde Palmer, il se sépare de Magnussen. C'est assez bizarre. Et du coup, à la place de Magnussen, ce sera Hülkenberg. Du coup, une nouvelle fois, Magnussen subit en quelque sorte une sorte d'injustice sportive, on peut le dire. Ces différentes expériences forgent vraiment son caractère. Ça se ressent dans ses interviews, notamment à la fin de la saison 2016, entre la saison 2016 et 2017, pendant la saison 2017, où on voit vraiment un pilote mature qui a pris acte de ce qui lui est arrivé. Et qui maintenant, il sait ce qui peut se passer en F1, c'est pas les bisounours. Et voilà, il sait qu'il faut être dur également, que lui doit être plus dur également, moins gentil. Et malheureusement, cette attitude, il va un peu trop extrapoler tout ça à la piste. Et ça, c'est triste. Et ça montre du coup tout l'inverse de ce qu'il veut faire. Ça montre une immaturité en piste, alors qu'avant, il ne montrait pas ça. Mais en 2017, il va montrer ça. En 2017, donc, il trouve refuge chez Haas. Haas F1 Team, donc quasi nouvelle écurie qui est née donc en 2016 en F1. Donc, il fait une bien meilleure saison. Ce qui est positif, c'est qu'il fait une bien meilleure saison que son prédécesseur Gutiérrez. Donc là encore, hein, on peut trouver du positif chez Renault, là, où il bat son coéquipier, qui était faible, hein, mais bon, il le bat. Là, il fait une bien meilleure saison que son prédécesseur Gutiérrez, qui était faible également. Mais quand même, il est bien meilleur que lui. Donc ça montre qu'il a quand même sa place en F1, Magnussen. Hein. Et en plus, il est pas loin derrière Grosjean. Grosjean qui est un pilote d'expérience, réputé très rapide. Et donc c'est intéressant, c'est intéressant. Il finit 14e au championnat, juste derrière Grosjean. Donc il a fait sa saison. Il a permis à Haas, il a marqué les points qu'il fallait pour Haas. Donc c'est très bien, il a fait le travail, Magnussen. Mais malheureusement, Malheureusement, il ne faut pas regarder que sa saison sous le prisme des points, sinon on loupe pas mal de choses. Et en effet, on loupe sa réputation de bad boy qu'il se fait tout au long de la saison en étant trop agressif en piste et souvent en étant inutilement agressif en piste. Voilà. Et également hors piste également, il se montre agressif quand par exemple il y a Hülkenberg qui vient le voir en lui disant avec humour, en lui décernant le titre de pilote le plus antisportif du jour, eh bien la réponse de Magnussen c'est suck my balls, Oni. Donc vous aurez compris en traduisant, ben voilà, suce mes boules mon gars, voilà. En gros c'est ça. Donc voilà, c'est pas très fin. Bon, ensuite il y a eu pas mal de trucs humoristiques autour de ça. Et bon, malheureusement, du coup, ben ça se ressent dans l'image du paddock. Les déclarations du paddock sont quasi unanimes à son sujet. Quand à chaque fois qu'il est aux prises avec quelqu'un en piste, d'une écurie différente de la dernière fois, et qu'après il y a des déclarations d'un team principal, d'un pilote également, c'est pas très positif à son sujet. Et là, du coup, il se met une pression tout seul, en fait. Il se met une pression tout seul parce qu'en 2018, il suffira pas de rivaliser avec Grosjean pour convaincre le paddock qu'il peut être un pilote sur lequel on peut compter. Il faudra vraiment qu'il ait une grosse pointe de vitesse en 2018, qu'il domine Romain Grosjean pour faire oublier tout le reste. Vraiment. Et sinon, on va voir que le mauvais. Parce que s'il n'est pas un crack en piste, eh bien, on va voir que son attitude. Il faut qu'il fasse un peu comme Max Verstappen fait. Alors certes, Max Verstappen, on peut le critiquer sur de nombreux points, que ce soit en piste, hors piste et tout, mais il est ultra rapide. Il est ultra rapide, il arrive à remporter des grands prix. Même s'il a fini derrière Ricciardo, il reste un pilote très très rapide. Donc voilà, il va falloir que Magnussen, pareil, s'il veut qu'on oublie ses écarts, il faut qu'il soit vraiment un monstre maintenant. Donc là, il s'est mis une pression tout seul, quelque part, avec son attitude. Il est devenu plus mature dans sa façon de penser, malheureusement. Il a voulu trop la mettre en application, on va dire, en piste, sa façon de penser, en ayant un instinct de revanche, un peu revanchard, mais non. Du coup, il n'est pas lucide, il n'a aucun recul, il n'a pas de recul sur son pilotage, et ça fait ce que j'ai dit, tout simplement. Donc attention, parce que sinon, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas toutes ses qualités en 2018, sa carrière en F1 pourrait être vraiment plus courte que prévu. Elle pourrait s'arrêter à la fin de la saison. Alors il y a quelque chose qui pourrait l'aider, c'est un Grand Prix du Danemark. Apparemment, c'est en discussion. Donc si un Grand Prix du Danemark voit le jour, eh bien ça pourrait l'aider à continuer sa carrière au-delà de par exemple de 2018 si jamais il n'est pas très performant. On verra. Parlons maintenant de la partie que j'aime bien. Des stats, les statistiques, les petits chiffres, la partie un peu fraîche hein, du podcast. Donc voilà, Kevin Magnussen, K-Mag, un peu son surnom, son diminutif. Il a fait 5 saisons, il aura 5 saisons en 2018 à son actif. 60 Grands Prix, il a fait 60 Grands Prix là. Un podium, 81 points, ce qui fait une moyenne d'un peu plus d'un point par Grand Prix. Voilà, et il n'a mené aucun tour. Et oui, donc malheureusement, il n'y aura pas le traditionnel chemin que vous pourriez faire pour accomplir le même nombre de tours en tête qu'a accompli Kevin Magnussen, vu qu'il n'y en a eu aucun. On lui souhaite de nous montrer, de se remettre en question au niveau du pilotage. Également, je pense qu'il pourrait être très très fort, qu'il pourrait être vraiment fort hein, s'il se remet en question au niveau de son pilotage, vu qu'il a acquis quand même une certaine maturité, qu'il a une certaine expérience maintenant de la F1, il a connu plusieurs écuries également. Il a l'entente avec Romain Grosjean est plutôt bonne hein, en termes de coéquipier cette saison. Hein, j'ai entendu quand même pas mal de propos assez cordiaux de l'un et de l'autre. Donc voilà, on va voir en 2018 ce que ça donne. On espère qu'il soit au mieux. Moi j'espère toujours que les pilotes soient au mieux parce que ça nous donne l'occasion de voir de meilleurs grands prix, de meilleures manœuvres, et voilà, et c'est plus beau, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on veut voir. Donc voilà, bonne chance à lui pour 2018. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On se donne rendez-vous au prochain, donc je l'espère, ce sera le podcast sur la place des femmes en F1 et plus largement dans le sport automobile. Donc c'est un sujet assez large évidemment qui sera décomposé en plusieurs questions, en plusieurs problématiques et ça pourrait être très intéressant. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes une femme, un pilote féminin par exemple, hein, vous pouvez me contacter, ou si vous êtes une femme journaliste ou qui écrit sur la F1 ou qui est tout simplement passionnée des courses de F1 et qui souhaite s'exprimer à ce sujet-là parce que ça lui tient à cœur. N'hésitez pas à me contacter, on s'organise ça, on trouve un jour en commun où on est dispo et on fait ça, ce qui pourrait peut-être aussi donner l'occasion d'avoir un podcast plus tôt que prévu. J'aimerais bien le faire en février ce podcast, hein, avant mars, en tout cas j'aimerais bien le faire en février, donc il y aura peut-être un podcast en février. Je verrai, ça dépendra de tout ça, des disponibilités des uns, des unes, des autres, de mes disponibilités, du fait que je fasse ce podcast-là ou sur un autre thème également, on verra. Le mystère reste entier. Mais en attendant, même si la saison 2 F1 n'est pas commencée et est encore un petit peu loin d'être commencée, n'oubliez jamais, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt.